بسم الله الرحمن الرحيم. طيب دونك dans le dernier vers, nous sommes arrêtés à la 19e mafsada, qui était le fait que cela nous contraint à annuler nos règles funéraires, le janaïs. Car on ne peut différencier entre le musulman et le chrétien et le juif, du fait qu'ils soient nos frères et que nos religions sont unies et sont les mêmes. Oui, jusqu'où cela peut nous mener. Voilà le musta'an. Quand on a l'Ishrod maintenant, 20e mafsada, fi jawaz du'a al-kafirin. Cela emmène à ce qu'on puisse invoquer pour eux. Car ils sont des croyants. Donc le croyant a droit au doa de son frère. Alors qu'à la base, nous, on n'invoque pas pour le mécréant, c'est que pour Allah le guide. C'est tout. Sinon, qu'Allah lui fasse miséricorde après la mort, sûrement pas. On n'a pas le droit. Comme encore l'état Allah, on m'a kané le nabi ou l'azina amanu ma'ou, et yastafil les mouchriquins, ou l'au kanou ou les kurba, bardema tabina lahum, et l'homme ashab al-jahim, ou ashab al-nar. Qui ne revient pas au prophète, ni à ceux qui étaient avec lui, de demander pardon pour les mouchriquins, quand bien même ils seraient des proches, des parents proches. Cela n'est pas permis. Mais cela amène à cela. Souma qu'on le hadith ou aishroud. 11e mafsada. Fi rida bi shirkiyat wal bida wal khurafat. Cela amène à cautionner l'association, le shirk, les innovations, ainsi que les superstitions que sont présentes chez ces gens-là. Et cela également, car vous savez comment ces gens-là pratiquent leur religion, et le shirk y est présent à fond. Les innovations, leur religion a été totalement changée, et les superstitions n'en parlons même pas, ainsi que leur fausse sagesse. Cela amène à consommer tout cela, et à la grille. Qal, Athani wa Ishrud, 22e, Fi Aydan Jawaz, بدائم السلام وعدم تضييق عليهم في الطريق وهذا خلاف مع عليه ديننا الإسلامي وقد مر معنا هذا. Cela mène également à ce qu'il nous soit permis, autorisé, de commencer à leur passer le salam en premier lieu. Alors que ça, ce n'est pas permis. À la base, on ne pense pas le salam en premier aux juifs et aux chrétiens, comme vous le savez dans les hadiths. Voyez, l'adab d'Abu Salam bi al-kitab, ma al-kitab. Et kazalik, s'ils nous passent le salam, le Nabi s'en fait nous enseigner de leur dire comment wa alaykum. Donc là, ça ramènerait à ce qu'on le passe le salam en premier, et en plus qu'on leur rend le salam de façon légiférée comme on le ferait pour un musulman. Même s'il y a une divergence sur le sujet, la vie le plus important est celui-là, wa Allah ta'ala alam. Qu'on leur dit, wa alaykum as-salam. Également, dans notre religion, si jamais des gens du livre sont amenés à passer sur notre chemin, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur resserrer le chemin. Les contraindre à aller vers le mur. Est-ce qu'on pourra agir de la sorte? Si les religions sont unies et qu'il y a un rapprochement entre nous, on ne pourra pas le faire. Donc cela amène à annuler ce jugement également. Qala Saïd Rishrud, 23e. Fihi ihdar al-kutub wal-ilm wal-ta'lim. Cela amène à abolir également tout ce que l'on enseigne comme rite et comme science dans la religion. Car le tafakkur fi din, apprendre la religion et ses règles, amène justement à nous éloigner de ces gens-là et appliquer leurs règles qu'il leur faut, qui leur reviennent, et à nos règles à nous qui nous reviennent à nous. Donc cela amène à faire un cocktail, comme on se mélange, donc il n'y a plus de différenciation entre nous et eux. Donc cela amène à ce que tout ce haine qu'on apprend devient inutile. Même notre aqida, elle nous devient inutile. Car tout ce qu'on apprend s'opposant à eux, on ne pourra pas l'appliquer ni le ressentir. Donc cela annule tout cela. Voilà le musta'an. Donc cela amène à ce que le musulman n'ait plus besoin d'apprendre sa religion. Si ce n'est quelques faits, yani, qui ne seront pas vraiment la chose avantageuse pour lui au Yawm al-Qiyamah, parmi les priorités. Qala Arabi 24e. Fi ta'til ahkam al-kafirin fil akhirah. Cela amène également à abolir toutes les règles qui se rapportent à ces gens-là dans l'au-delà. Car ils sont jugés comme étant des mécréants, donc seront au feu éternellement. Et cela amène à ce que des gens disent qu'ils sont djinnah. On l'a entendu ça. Lorsqu'il y a eu les faits à Paris, les attentats, certains ont osé dire que les gens qui ont été tués, c'est un juste, c'est Shayatin des signataires de Charlie Hebdo, seront au paradis. Wal'a'adhu billah. Certains ont osé dire cela. Ou ceux qui ont été tués lors du concert au Bataclan, qui sont au paradis. Alors ce sont des mécréants. Naam, ils ont été victimes d'actes terroristes qui, à la base, ne sont pas permis en religion, mais eux, cela ne change pas le fait qu'ils sont des mécréants. Cela ne change rien en rien leur réalité. Wal'a'adhu billah. وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Et que les ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mushrikin ne cesseront de mécroire jusqu'à ce que leur parvienne la preuve. Et la preuve, c'est quoi à ce moment-là? C'est la mort, les faits devant leurs yeux. Et là, le verset parle de ceux à qui ne croiront pas, qui sont voués à être des mécréants. Donc, ces gens-là sont voués à mécroire. Puis, dans le long hadith, rapporté par Mis'ad al-Khudri, qui touche à l'intercession des gens, des Mouahidin, Yom al-Qiyama. Et ça aussi, c'est un fait. Pourquoi est-ce que le Mouahid aurait droit à une intercession alors que le juif et le chrétien seront au paradis? Également, ça mène à cela. Je ne sais pas si le cher va le citer, là, ça m'est venu à l'esprit maintenant. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura plus d'utilité. Car même le chrétien et le juif entreront au paradis, d'après eux. Voilà, Moustahan. Donc, pour revenir au chahid du hadith, que lorsque les gens sont rassemblés, Yom al-Qiyama, le jour du jugement, Allah Azzawajal, فَلَيَدْبَعْ كُلُّ مَنْ كَنَعْ بُوْتِيَنْ فَلَيَدْبَعْهُ. Chaque personne qui a droit quelque chose, qu'il laisse vivre. Et il dit, à la fin, il ne restera que les muslimouns, avec leurs foudjars, leurs pervers et leurs pieux, et les gens du livre. Il sera dit aux juifs, qu'est-ce que vous adoriez? Il a dit, vous avez menti, Allah n'a pas de fils. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons que tu nous abreuves, car ils auront soif. Il a dit, ishrabu, et ils tomberont dans le feu de l'enfer. Buvez, en guise de réprimande, ils tomberont dans le feu de l'enfer. Il sera dit aux chrétiens, ma kutum ta'budun, qu'est-ce que vous adoriez? Ils diront, Isa ibn Allah, quand les kazabtum, la mekun illahi waladun, vous avez menti, Allah n'avait pas de fils. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ils diront, nous voulons que tu nous abreuves. Il dira, ishrabu, voilà, ça, quand on a fait le jahannam. Et là, ils tombent dans le feu de l'enfer. Donc, tous ces hadiths-là, qu'est-ce qu'on en fait? Le hadith, muttafaqun alayhi, fi Bukhari ou Muslim. Donc, ces gens-là seront au feu de l'enfer, éternellement. Et il n'y a pas d'intercession pour eux. Ni de châtiment amoindri. Après, eux, ils diffèrent. Certains sont pires que d'autres parmi eux. Ma'alouf. Non. Thumma qala, et il kazalik dans le hadith, qu'on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'ayatul jannah, il est nafsu mu'mina ou muslima. Que seul n'entre au paradis qu'une âme croyante et musulmane, soumise. Ces gens-là ne rentrent pas dedans. Al-Khamis Ma'ishroud, Malfakien, Fiyir Tiram Rey, Waray Al-Akhar. Cela mène à respecter la vie de l'autre. Alors qu'en islam, on n'a pas de respect pour la vie de l'autre s'il s'oppose à Dillah. Au contraire, c'est du kufr, on doit le blâmer. On ne dit pas exprime-toi, dis ce que tu as à dire, je t'écoute, et après on réfléchit. Non. Et là, ça mène à cela. Demain, il y a une congrégation, par exemple, un rabbin vient, un prêtre vient, et un représentant de l'islam vient, et ils discutent entre eux. Et chacun expose ce qu'il a par rapport à sa religion. En islam, ça n'existe pas, ça. Le dialogue avec eux n'est pas comme cela. Ils vont déjà des désormités, toi tu vas être là, écouter ce qu'ils ont à dire, et après dire, je vais réfléchir. Tu n'as pas à réfléchir. On te dit que Issa ibn Allah, tu n'as pas à réfléchir. On te dit que Rosa ibn Allah, tu n'as pas à réfléchir. On te dit que Allah le troisième des trois, tu n'as pas à réfléchir. C'est automatique, c'est de la mécréance. Tu te lèves et tu t'en vas. قال السادس والعشرون في تقديم الكتاب والسنة المفوضات ومعارضته بالكتب المحرفة والآراء الهادمة أو الهدامة والعقول الكاسدة. Cela mène à quoi? À exposer le livre de la Sunna, comme on dit, à réflexion. On doit y réfléchir. On doit se remettre en compte sur l'essence contenue dans ce livre et dans les hadiths, ou plutôt dans le Coran et dans les hadiths. Car on doit réfléchir à ce que nous exposent, comme eux le diraient, nos frères chrétiens et juifs, par rapport à leur livre. Comment concilier entre leur livre et le nôtre? Donc ça va t'amener à quoi? À laisser le kitab et la sunna. Et à mettre en place ta raison. Pour pouvoir lire entre les preuves et ce qu'eux ils ont exposé, ils ont donné comme avis. Donc cela, également, celui qui agit de la sorte aura vécu. Car parmi les conditions de l'imam, Al-Yaqin, l'incertitude, tu n'as pas le droit de douter. Le doute est interdit par rapport à la foi, par rapport au wahi. Des choses qui sont quand même ma'aloupa bid-darura kazalik. Tu n'as pas le droit de douter par rapport à cela. قال السابع عشرون في إلغاء عزة المؤمنين وإعزاز من من أذلهم من أذلهم الله من اليهود والنصارى. قال au 27e mafsada, cela amène à annuler la gloire ou la puissance que Allah a accordée aux croyants, et cela amène à quoi? À respecter et à élever et honorer ce que Allah a avili, qui sont les juifs et les chrétiens. Comme encore ta'ala, wa lillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun, que Allah ait dit, dans le sens que la puissance ne revient que à Allah, ainsi qu'à son messager, ainsi qu'aux croyants. Et quand on dit croyants, on parle bien des musulmans. On ne parle pas de ces gens-là. Cependant, les hypocrites ne savent pas. Donc, Allah Ta'ala, « Afana jalul muslimin et kal mujlimin, ma lakum kayfa tahkumun » à nous faire des croyants comme les criminels, c'est-à-dire les traités de la même sorte. Qu'avez-vous? Comment est-ce que vous jugez? Et les mujlimun, là, dans le sens voulu, là, les criminels sont les mécréants. Ça englobe tous les mécréants, juifs, chrétiens et autres. Non. قال الثامن والعشرون المساواة بين المساجد والكنائس في الأحكام. Cela va amener à ce qu'on égalise entre les mosquées et les églises dans les règles. Ils seront pareils. Car ce sont des lieux où on adore Allah pour eux, pour ces gens-là. Donc on ne pourra critiquer les églises ni leur attribuer le jugement qui s'y rapporte, qui est de le détruire en pays d'islam à la base. Il y a unanimité qui n'est pas permis de construire des églises en pays d'islam. Comme vous le savez. Dit que le bien et le mal ne sont pas égaux. Le bon et le mauvais ne sont pas égaux. Et dans les églises, qu'est-ce qu'on fait? On y fait du shirk akbar. Et dans les synagogues également. Donc cela mène à cela. Ce maqala a tassé au ishroud. Un rida. Je disais, Atasiyu Aishurun, Rida Bissalat al-Ba'atila, al-Mukhalafa de Salat al-Muslimin. Cela va amener également à agréer une salat qui sera fausse et invalide, qui s'oppose à celle des musulmans. C'est-à-dire, comment eux accomplissent ce qu'on va dire leur prière, leur salat, on devrait l'agréer et dire que cela est valable. Alors qu'à la base, nous les musulmans, notre salat, qui est la seule qui est acceptée auprès d'Allah Azzawajal, elle a des règles, comme la purification, comme le fait d'être bien, de recouvrir les parties intimes, le fait de tourner vers Qibla et tout ce qui est construit comme gestes et comme paroles que l'on prononce et comme piliers, comme choses obligatoires. Donc cela amène à dire que si les croyants, sa prière à lui aussi est valable. Donc on peut faire comme lui également. Car selon leur dire, on ne pourra pas faire de différence entre nous et eux. Nos religions sont unies et rapprochées. Voilà le musta'an. Qala al-thalathun fi rida bihajj al-kuffar ila al-mashahid wa al-amakin al-mubtada'a al-shirkiyya wa musawat dhalika bihajj al-muslimin ila al-balad. Il balad al-amin dit entre 30e mafsada. Cela mène à agréer leur pèlerinage qu'ils font vers les lieux qu'ils visitent. Par exemple, il y a ce qu'on appelle à Lourdes. Il faut leur pèlerinage à Lourdes, comme vous le savez. Ça, c'est un lieu qui est connu. Soi-disant, là-bas, il se trouve une source miraculeuse où une femme, jeune esclave ou une jeune fille aurait vu la Vierge Marie, comme ils le disent, apparaître. Et de là, les gens viennent par milliers, par millions peut-être, annuellement, pour se soigner dans ces sources qui sont soi-disant miraculeuses. Et c'est possible que Allah ait mis une cause de shifa pour les éprouver. C'est possible. On ne dit pas qu'il n'y a rien, Allahu a'lam. C'est possible. Comme Allah Azzawajal a déjà fait en sorte que les gens ont été égarés par des djinns présents dans des arbres qui leur parlent. Et après les gens se sont mis à dire, cet arbre parle, cet arbre est une créature miraculeuse qui apporte telle et telle chose. Tout comme Allah Azzawajal a déjà permis peut-être à un prêtre ou autre d'exorciser une personne possédée chez eux et à le guérir pour qu'il soit éprouvé. Ça a été cité. Pourquoi? Car celui qui est éprouvé par ce mal, qui est possédé parmi les chrétiens, il va aller voir le prêtre qui va l'exorciser avec leur rite et le prêtre va lui faire reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, ainsi de suite, et l'autre il dit « Je reconnais », il va dire « Je te guéris », et il va être guéri. Une épreuve, une fitna pour lui. Mais la guérison ne vient pas du prêtre, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, on appelle ça un istidraj, que Allah te prend graduellement. Allah te prend graduellement. Fahimtum hadha? Donc ça amène à cela. Il se peut que vraiment chez eux, des miracles soient accomplis, mais cela n'est pas comme une cause d'amour, mais istidrajan lahum. Istidrajan lahum. Ou alors qu'ils emploient des shayatines, ces gens-là ou autres. Allah ta'ala alam. Non. Donc cela amène à ce que leur pèlerinage et le nôtre soient égal. Ou soient égaux. Non, pas vrai. Ils soient égaux. Je m'embrouille souvent en français. Je m'en excuse, comme vous le savez, je suis pas dans un pays francophone. Je ne suis plus trop en contact avec le français, ce n'est vite fait. Donc ça m'arrive souvent de dire alors, des phrases avec contrôlant beaucoup d'erreurs. Mais bon. Nasallah al-Sadad. On a fait bien d'accord de Dieu. وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.